Salut, ça va ? Non, ça va pas. Il y a l'autre gars qui m'a fait chier. Ah bah si t'as fait chier, ça va alors. Parce que tu sais que à l'origine, quand on dit ça va, c'est aller aux toilettes, aller chier. Parce que tu sais que les gens, ils avaient des problèmes intestinaux avant, ils mangeaient n'importe quoi. Alors quand ça allait, eh bah, c'était l'essentiel, c'était le plus important quoi. Donc quand on disait ça va, eh bah, c'est qu'on allait aux toilettes. Ah ouais? T'es un petit malin, toi. T'es un petit malin. Hein? Non, mais si t'es un petit malin, tu ramènes ta science. T'es un petit malin. Tu sais que la science, c'est comme la merde. Plus on en a, plus on les suit. Ah ouais, mais c'est pas exactement ça l'expression. Hein? C'est pas exactement comme ça. C'est la science, c'est comme la confiture. Plus on en a, non, justement, moins on en a, plus on l'étale. Ah bah décidément, t'es un petit malin. T'es un petit malin, toi. Allez, viens là. Tu me cherches des crosses, là. Tu me cherches des crosses, là. Allez, casse-toi.